La quatrième session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême a élu le maréchal Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Au nom de tous les députés à l'Assemblée populaire suprême, de tous les militaires de l'armée populaire et civile, l'Assemblée populaire suprême a déclaré solennellement dans le monde que le maréchal qui transforme notre République, héritage précieux et noble des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, en puissance politique, idéologique et militaire indéfectible, en conduisant toujours à la victoire la cause révolutionnaire Juche par sa capacité politique peu commune et ses pratiques révolutionnaires colossales, est élu président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. C'est un événement historique pour développer notre République en état éternel des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, faire honneur au prestige de la patrie et de la nation et au potentiel du pays dans le monde entier, et parachever la cause révolutionnaire Juche commencée au Baekdu. C'est aussi l'expression de la vénération ardente et de la confiance de tous les militaires et civils envers le respecté maréchal Kim Jong-un, menant à bien la révolution coréenne sous le drapeau du grand Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, et la démonstration de la foi immuable et de la volonté ferme de tous les militaires et civils d'anticiper la victoire finale de la cause socialiste sous sa direction.